économie parallèle, je réponds pas à l'appel, je travaille avec l'appel. La France ne nous veut pas, qu'elle s'inquiète pas, on ne veut pas d'elle. État cruel, état critique, les gendarmes on les nique, les huissiers et les flics, les gens pauvres on les fric. Pays de l'Est et Afrique, tous le même but, réfute les petites putes qui baissent leur fut. Futal vraiment tout sale, brutal vraiment normal. Marre de veiller, arriver du billet, voir nos potes briller, dans le micro crier. J'y ai pensé, notre musique n'est pas faite pour danser, juste recenser tous les mecs censés. Censé savoir que j'étais pas bavard, pas pour faire le bâtard, pleine dédication mon buvard. Équivalence notoire, se retrouver chez le notaire, la planète c'est notaire. Trop d'espace confiné, se retrouve avec des confinis, pastis sans confetti. Rendez-vous comme convenu, trop d'idées saugrenues, plus de repas au menu. Et chef, où est ton fief? T'as plus de pape, t'as plus d'af, tu fais trop gaffe pour éviter les baffes. Bafouille, t'as plus de couilles comme un clic patrouille. La destruction de ce monde se termine dans les flammes de l'État. Il y a eu des morts par grand nombre, polluent les terres avec leurs produits toxiques. Et nous demande d'être un peu moins nocifs, être des moutons pour bien nous la mettre dans le fion. Je ne suis pas de ce côté de cette boucle infernale, entraîné dans une spirale où on finit toujours par tomber. C'est ce qu'ils voulaient depuis le départ, passer pour un con et prendre leur part du marché. Chez moi c'est sans pitié, ils ne pourront pas arracher ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Quand on se révoltera, on verra qui sera dans le fond. D'année en année, on voit rester ceux qui savent faire une vraie amitié. Je te parle pas de bâtards, mais de mecs entiers. Ceux qui sont avec toi quand ça va mal et que ça s'emballe. Qui te soutiennent dans la nuit, quand ça veille tard le soir, en plein froid. Crois-moi, y'en a pas beaucoup. Pas besoin de se prendre les choux quand tes frères assurent. Y'a les autres qui veulent que je représente. J'espère que tu plaisantes. Y'a plein d'histoires récentes. En bref, attention aux faux qui jouent les vrais. Ce n'est qu'un rêve. Le shit nous sert de trêve. Soit tu marches, soit tu crèves. Avec mes vrais potes, on se connaît comme toujours quand y'a des aléas. On est là pour ça, mais hélas, mes potes finissent de glace. Sans fusil ni coup de chasse. Mais le temps parfois dissoute, c'est comme ça avec certains. En bref, KCW, c'est tout ce qui nous reste. Une sorte de sagesse, une relique vivante de ce qui se passe dans notre jeunesse. C'est le 3-4 Gignac à l'ancienne qui nous teste. C'est ma vie, la mort de certains qui restent comme la peste. C'est l'État qui nous baise et qui arrive même sans que je me taise. C'est la fracture sur ta tête faite à la clé anglaise. C'est Warren qui torche cet instru à l'aise. C'est des textes et des thèses approuvées, certifiées. C'est all-right réservé, c'est réservoir d'op pour notre style de hip-hop qui nous est propre dans tout ce monde sale. C'est la goutte qui coule le long de ta joue. C'est le froid de cet homme de 25 ans qui dort dans la rue depuis 10 ans. C'est les glandes quand t'apprends que t'es viré. C'est des pensées noires quand tu te mets à péter un rivet. C'est ce que tu espères quand tu vois ce qui se passe à l'inverse. En bref, c'est tout ce qui bouleverse. Mais ça s'arrête pas là, on est là car tout est bon pour faire des thèses ici ou plus loin sur cette planète. De toute façon, partout c'est l'alerte. Alors la musique, mon cercle et le C, c'est ma lettre. J'ai plein de choses dans ma mallette. On ne dit pas de choses bêtes, mais parfois c'est vrai que c'est bête. Comme tout pourrit trop vite, qu'on ne jure que par l'argent et la bite. Je voudrais bien prendre la fuite, au lieu de ça, je prends des cuites. Ouais, ça doit être ça ou peut-être pas. Arrêtez de trop penser, ça fait beaucoup moins dépenser. Quelquefois, faut se détacher de la réalité parce qu'elle te prend à la gorge et faut pas devenir barge. Donc s'il y a un bien ou un mal, j'ai les couilles posées sur la barrière qui les sépare. J'attends tomber dans l'un des deux côtés. Voilà ce qui fait aussi KCW.